J'aime bien quand je me lève tôt, je sens les effluves de parfum que maman a laissé dans le hall d'entrée. Avant de partir pour le 35 heures, faire sa pièce pour habiller la pièce. À ces femmes, on donne pas de médaille. Pourtant, quand tu saignais, dis-moi qui est la personne qui colmatait la faille. Mais cette chance n'est pas pour tous. Donc l'enfant seul dehors, il pousse comme les fleurs entre deux dalles de béton. Le ciel se meurt, je le regarde brûler. La porte se claque, une autre s'entrouvre. Quand les parents se couchent, le môme se fait la malle. Les billets avaient l'odeur du foutre, c'était pas beau à voir. Dans les chiottes publiques de ma ville, la moitié de mon histoire. Je me suis construit sur des carreaux tachés de sang parfois. Le carrelage blanc devenait rouge, pour ça j'ai pas eu d'avoir. Après faut rentrer à la case, la douche c'est pas possible. Les gardiens dorment donc le robinet devient mon meilleur ami. À pas de loup remonte dans le terrier la petite créature. Une fois toute nue face à elle-même, elle dépose son armure. Quelques songes la traversent, elle fait mine de ne rien entendre. Les démons hurlent, les anges se taisent, personne ne veut l'étreindre. Et puis voilà que les oiseaux chantent, enfin ça tue le silence. Ça lui change de la mort qu'elle imagine comme dulcinée. Une fois dans le car, la musique joue, les perles coulent sur ses joues. La petite bête les efface timidement comme garde-fou. Il est 8h donc tous en rang, tous au garde à vous. L'institution décide pour moi donc je me tais et j'écoute. L'autorité me dicte quoi faire donc je ne sors pas du rang. Et quand je le fais on me fait comprendre que je suis qu'un arrogant. Petite fleur a dû pousser, y avait pas d'arrosoir. Donc sa copine la lune lui a laissé boire la rosée. Le soleil lui brûle la peau, n'a fait que la mocher. Mais petite fleur n'est pas si bête, elle sait qu'il faut grimper. Au milieu du champ de bataille, une femme qu'il aime se nomme 2D. Elle le cajolera d'amour celui dont il a manqué. Les journées devenaient plus courtes, les idées devenaient grises. Elle souffre aussi mais on se comprend sans même le dire. Elle a récupéré la petite chose au fond des épines. Ne s'est pas posé une question sur sa peau qui se mutile. Ma petite sauveuse, la force de fer, elle a le cœur si sensible. Que si elle le voulait, pour elle, je décocherais si sensible. Quand elle a mal, j'ai mal aussi, ça devient indescriptible. Un millier de récitals suffirait pas pour tout lui dire. Je t'aime ma sœur plus que j'ai aimé mon être. Pardonne-moi pour les quelques fois où j'ai pu être malhonnête. Pardonne-moi. Ton fils c'est mon fils, on lui mettra de l'or sous les pieds. Pour qu'il ne passe jamais par là où nous deux sommes passés. Des bons souvenirs et des mauvais, je regarde enfin le passé. Y'a une chose dont je suis sûr, avec toi je veux avancer. Pardonne-moi de t'avoir dit que je voulais m'ôter la vie. Je réalisais pas à quel point cela te faisait souffrir. Nous deux ensemble vers l'horizon, le monde n'a qu'à brûler. Je n'ai plus peur de dire les mots sur mes lèvres si brûlantes. Je t'aime ma sœur plus que j'ai aimé mon être. Aujourd'hui je m'aime enfin, c'est toi la seule qui m'a fait naître.